Mercedes-Benz. Alors, cette annonce Mercedes ? Elle a l'air super. Je l'ai vue 3 fois, pris 200 photos, écouté le moteur, envoyé le carnet d'entretien à mon cousin garagiste et j'ai lu tous les avis sur Internet. Ah ouais, quand même. Eh ben, ça fait 2 mois que j'y suis. Et toi, t'as fait comment ? Moi, je l'ai acheté chez mon distributeur Mercedes. Il y a ceux qui se rassurent et ceux qui sont sûrs. Les véhicules d'occasion du réseau Mercedes-Benz sont entretenus par nos experts et garantis 2 ans. N'attendez pas pour repartir avec la Mercedes de vos rêves. Rendez-vous sur occasion-mercedes.fr. Troisième temps de notre série à l'ombre de la Grande Guerre. Ce matin, les enfants à l'ombre de la Première Guerre mondiale. Après avoir, depuis le début de la semaine, évoqué la continuation de la guerre à l'Est de l'Europe, après le 11 novembre 1918 et hier nous être arrêtés sur le cas emblématique de la ville de Reims pendant la Première Guerre mondiale et avant demain de nous interroger sur le développement de l'objection de conscience entre les deux guerres avec le cas de Gérard Le Retour, nous allons ce matin nous demander, avec Anaïs Quin qui co-animera cette émission avec moi, l'effet qu'a fait la Première Guerre mondiale sur les enfants qui, bien que n'y combattant pas, ont subi les effets justement de cette guerre en France aussi bien qu'en Allemagne. Nous le ferons en compagnie de Manon Pignot, elle est maîtresse de conférence à l'université de Picardie Jules Verne, elle est spécialiste de cette question des enfants dans la Première Guerre mondiale. Elle est co-autrice avec Yann Potin, historien et archiviste aux Archives nationales, de Françoise Dolto, veuve de guerre à 7 ans, qui vient tout juste de paraître chez Gallimard. Avec nous également Bérénice Zunino, elle est maîtresse de conférence à l'université de Franche-Comté à Besançon et elle a travaillé pour sa thèse sur les illustrations, mais également sur les livres de classe et les livres illustrés pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne. Elle nous en parlera. Isabelle Doré-Rivet est également avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Lyon. Elle est directrice du Centre de recherche et de la déportation de Lyon et elle organise dans ce centre de recherche et sur la déportation à Lyon, donc sur la résistance et la déportation, elle organise une exposition qui est donc concentrée sur la génération 40, ce qu'on appelle les J3 du régime de Vichy. Non, Cadet Roussel a 2 enfants, l'un est gentil, l'autre est méchant. Moi, mes enfants sont très gentils, Bernard d'abord, Michel le plus. Aussi gentil, toujours content. Ah oui, ah oui, ah oui, vraiment. Ah, ah, ah oui, vraiment. De mes enfants, je suis bien content. Ben maintenant, ça suffit, hein, on va dormir. Bonsoir, mes poules, faites de jolis rêves. Bonsoir, mes petits amoureux. Bonne nuit, dormez bien. Bonsoir mes petits amoureux, vous avez peut-être reconnu, malgré l'enregistrement un peu délicat, la voix de Pierre Mendès France. Il était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale, il était à Beyrouth en 1939 et à Beyrouth on pouvait enregistrer des disques qu'on pouvait envoyer à sa famille. C'est ce qu'a fait donc Pierre Mendès France en 1939, sa famille, donc ses 2 enfants dont on entend les prénoms. Et nous avons découvert ce week-end cette archive qui a été partagée sur les réseaux sociaux par le petit-fils de Pierre Mendès France, Tristan Mendès France. Et nous voulions ouvrir justement cette émission en vous faisant presque envie. Manon Pignot, bonjour. Bonjour. Parce que vous, ce sont des lettres que vous partagez, que vous avez en partage, des lettres envoyées par millions chaque jour, depuis le front jusque à l'arrière et de l'arrière jusqu'au front, de parents qui écrivent, de pères qui écrivent à leurs enfants ou d'enfants qui écrivent à leurs pères. Mais là, en l'occurrence, c'est la voix. Ah oui, elle est incroyable, cette archive sonore de Mendès France. Je l'ai également découverte ce week-end, comme vous. Et je dois dire que j'en ai encore le frisson quand je l'entends, parce que c'est une illustration magnifique de ce que c'est que la paternité en guerre. Mmh. Ce besoin d'essayer de maintenir des liens affectifs, sentimentaux, intimes, malgré la distance qui va séparer les pères combattants de leurs enfants. C'est vrai que pour la guerre de 14, malheureusement, on n'a pas des enregistrements de ce type, mais on a d'autres types de sources, les correspondances, comme vous l'avez dit, et puis les dessins aussi. qui sont très parlants malgré tout. Oui, et parmi cette correspondance, celle que vous publiez avec Yann Potin, sous le titre donc 1914-1918, Françoise Dolto, veuve de guerre à 7 ans, chez Gallimard, c'est un des trésors que l'on peut trouver dans les archives de Françoise Dolto. Yann Potin, bonjour. Bonjour, un trésor, oui, un trésor symbolique, bien entendu. En effet, les Catherine Dolto et son frère Grégoire Dolto ont bien voulu confier les archives personnelles de leur mère aux archives nationales. Le fond est en cours de classement. La partie plus intime et recèle en effet un certain nombre de papiers familiaux, comme dans beaucoup de fonds d'archives. Mais il y a cette petite série très particulière où on a à la fois la parole enfant de Françoise Marette, puisqu'elle s'appelait Françoise Marette, et elle habitait d'ailleurs dans le quartier de la Maison de la Radio, juste derrière, avenue du Colonel Bonnet. Et un petit pèlerinage en venant. Elle écrit à son oncle lui répond. Elle a 5 ans et demi quand la guerre commence. Elle est née en 1908, effectivement, et ses lettres datent essentiellement de 1915-1916, puisque son oncle, qui est à la fois aussi son parrain, va mourir en 1916. Donc on a un petit éclat d'échange de paroles entre un enfant, une enfant et un adulte, et c'est, je crois, ça qui fait l'exception, c'est plutôt la conservation, en fait, en quelque sorte, la parole des lettres d'enfants, parce que des lettres d'enfants de 7 ans, on peut dire que c'est quand même assez fragile, d'autant que c'est quelques lignes, c'est quelques mots, donc on peut reconstituer comme ça quelque chose qui se transmet, là, en l'occurrence, des choses assez curieuses. Et assez curieuses et assez intimes, effectivement, on y reviendra dans un instant, Anaïs Quin. Oui, et puis peut-être ce dossier d'archives n'a peut-être pas grand-chose d'exceptionnel, puisque on le sait bien, cette Première Guerre mondiale a généré un désir d'écrire et une nécessité d'écrire très très massive. Ce qui est peut-être plus étonnant dans cette histoire, c'est de voir apparaître la pression familiale sur cet enfant qui va porter un deuil bien au-delà de son âge et de l'événement de la mort de ce Pierre, de cet oncle, parrain, fiancé pour jouer, mais elle sera véritablement veuve de guerre, Manon Pignot. Oui, absolument. C'est ce qui est fascinant dans ce fond familial de Françoise Marette, future Dolto, c'est à la fois son caractère extrêmement représentatif, vous l'avez dit, de ce que sont les relations entre les enfants et les hommes du front pendant la guerre de 14, et aussi son caractère exceptionnel. Parce que ce n'est pas son père qui combat, c'est effectivement son oncle. Son père est à Tarbes, c'est cela ? Voilà, son père est mobilisé, mais compte tenu de son âge, il est mobilisé à l'arrière, et il dirige et contrôle les usines d'armement, et notamment les usines de fabrication d'obus. Oui. Donc il est très souvent absent, mais il n'est pas au contact direct de la guerre, il n'est donc pas en danger de mort permanent, comme son oncle, Pierre Demmler, qui est donc le jeune frère de sa mère, brillant jeune homme, 28 ans. Chasseur alpin, et donc c'est son oncle, c'est son parrain, donc son père en religion, ce qui est très important à l'époque, et en particulier dans la famille Marette, qui est une famille extrêmement pratiquante. Bourgeoise et catholique. Bourgeoise, catholique par le père, protestante par la mère, très pratiquante. Et en plus, c'est son fiancé. Et alors c'est une espèce de fable familiale qui a été inventée dans la famille avant la guerre. Et comme un jeu, mais un jeu un peu étrange, hein, il faut bien le dire, auquel vont participer tous les membres de la famille. Et tout le monde va apporter de l'eau au moulin de cette fable. Sauf que cette fable, qui au départ est une sorte de boutade, sans doute inventée un jour lors d'un repas de famille, cette fable va prendre des proportions incroyables du fait même de la guerre. Et du fait que Françoise va, elle, prendre cette fable au premier degré et se considérer comme la fiancée de son oncle. Et donc, dans la correspondance, ils s'écrivent et ils parlent de leur projet de mariage, du nombre d'enfants qu'ils auront, etc. Et comme vous l'avez rappelé, elle est très jeune, hein, elle a 6-7 ans. Et puis, cette fable devenue réelle pour la petite fille prend une proportion encore supérieure à partir du moment où l'oncle meurt. Et il est tué, effectivement, en 1916, à la tête de Faux. Et là, la jeune Françoise se considère, elle le dit elle-même, et Françoise Dolto l'a dit et redit dans ses souvenirs ensuite, comme veuve de son fiancé, à l'image de ces dizaines de milliers de veuves blanches, hein, de ces fiancés qui ne se sont jamais mariés, sauf qu'elle, elle n'était pas du tout en âge de le faire. Il y a un moment absolument terrifiant, quelques années après la fin de la guerre, où la mère de Pierre, la grand-mère de Françoise Marette, future Dolto, rappelle et recharge d'une certaine façon ce poids du souvenir assumé par cet enfant qui a un peu grandi mais qui reste malgré tout une jeune femme, une jeune fille, lui dit lors d'un de ses anniversaires, je crois, Pierre m'a parlé, donc je te donne ce cadeau. Donc elle recharge en permanence cette charge du souvenir sur les épaules de cet enfant. De cette gamine. Oui, c'est-à-dire que cette responsabilité mémorielle, elle incombe, on pourrait dire, à toute une génération d'enfants à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour une bonne et simple raison, c'est que dans le discours de guerre qui est élaboré pendant la guerre dès 1914, il y a cette idée que les hommes combattent d'abord pour la génération suivante, pour les prémunir d'une guerre future. C'est l'objet même de l'expression « der des der ». Donc il y a une sorte de responsabilité mémorielle collective qui incombe aux enfants. Et en particulier pour les enfants endeuillés, à qui on va rappeler par tout un tas de signes plus ou moins symboliques, la responsabilité du souvenir des morts. Mais dans le cas de Françoise Marette, c'est totalement fascinant parce que, effectivement, les membres de sa famille et en particulier sa mère et sa grand-mère ne vont cesser de lui rappeler qu'elle se doit à la mémoire de cet oncle parrain fiancé dont elle se dit la veuve. Et effectivement, à 12 ans, au moment de sa communion, qui est un événement à la fois familial et religieux très important, la grand-mère lui offre un cadeau, comme c'est l'usage, sauf qu'elle lui explique que ce cadeau, ça n'est pas elle qui l'a choisi, que l'oncle Pierre lui est apparu en rêve et lui a donné des consignes très précises, donc c'est un cadeau de l'au-delà. Oui, ce qui est assez extraordinaire, parce que ça nous replonge plutôt dans les années 1890-1900 du spiritisme tel qu'il est décrit par Guillaume Cuchet, par exemple, Yann Potin. On est encore dans ce moment, effectivement, où les morts peuvent revenir pour vous parler. En tout cas, on les fait parler pour la jeune enfant qu'est Françoise Marette. Ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir ce dossier, pourrait-on dire, d'archives, qui est assez immense, parce que elle a gardé, Françoise, devenue Dolto, elle a gardé tous ces témoignages de cette très jeune enfant qu'elle était entre 5 et 7 ans pendant la Première Guerre mondiale. En effet, assumant par là d'ailleurs son veuvage qui n'est pas du tout que rhétorique, puisque sur la couverture du livre, elle porte le deuil avec un ruban noir, et c'est une photo de Françoise Marette à 8 ans. Alors en fait, c'est ça qui me rend la chose peut-être, sinon exceptionnelle, du moins cohérente, c'est que précisément, en gardant les souvenirs de famille, elle assume finalement la fonction que ce deuil lui a assigné, en quelque sorte. Alors, évidemment, elle a été aidée en cela par sa grand-mère, par sa mère, et il y a aussi des gestes qui se poursuivent. Aidée ou poussée? Pousser non, parce que je pense que c'est des... De toute façon, il y a aussi une forme de passivité à garder. Hein. Garder n'est pas... En fait, finalement, surtout dans un contexte où on a un peu de place, c'est pas si difficile de garder une enveloppe, une liasse. Enfin, voilà. Surtout que, effectivement, c'est devenu pour elle la preuve, en quelque sorte, que son enfance avait été la source d'une vocation. Donc, il y a aussi, c'est aussi pour elle des archives autobiographiques, en quelque sorte, qui dressent une façon, pourrait-on dire plutôt, la manière dont elle a réussi aussi à se libérer de cette mémoire familiale. Donc garder la mémoire familiale, c'est pas forcément, et la garder matériellement, c'est pas forcément la subir, c'est justement savoir la mettre à distance. Manon Pignon, évidemment, quand on lit votre ouvrage commun, donc avec Yann Potin, Françoise Dolto, veuve de guerre à 7 ans chez Gallimard, on ne peut pas ne pas penser, enfin, en tout cas, moi, ça m'a obligé à me souvenir des pages de Pierre Chaunu, Je suis le fils de la morte, ou celles de d'autres historiens comme Claude Nicolet, qui expliquait dans les Essais d'Ego Histoire, publiés à la fin des années 80 chez Gallimard, qui expliquait qu'ils étaient l'un fils d'une morte entouré de noir, donc que des gens qui sont habillés en noir, qui sont des veuves de cette fin de Première Guerre mondiale en tant que jeune enfant, et l'autre qu'il était le fils d'une période où les monuments aux morts étaient blancs, puisqu'il rappelle que dans les années 20, tous les monuments aux morts que nous connaissons, grisés par le lichen, étaient tout neufs, d'une certaine façon. Et c'est vrai que François Dolto... C'est Girardet. C'est Girardet. Qui s'appelle Raoul parce que son nom oncle est mort aux Éparges, son oncle Raoul est mort aux Éparges. Voilà, donc les Éparges dont on parlait hier à propos de la panthéonisation de Maurice Genevoix, donc décidée par le président Macron. C'est vrai qu'il y a dans cette dimension-là quelque chose de très fort, et en particulier ce pèlerinage que beaucoup de familles, comme le disait avant l'émission Anaïs Quin, font après la guerre, du lieu où est mort l'oncle, celui qui était le fiancé de Françoise Marette. Oui, ils s'y rendent à la fin des années 20. En 1928. Et donc Françoise s'y rend avec sa grand-mère. Elle a 20 ans, là. Et elle a 20 ans, et avec un de ses frères. Et ce pèlerinage est documenté à la fois sur le plan photographique et aussi par les cartes postales que Françoise envoie et les lettres que Françoise envoie à sa famille et notamment à sa mère restée à Paris pour lui raconter comment se déroule le pèlerinage. Et là encore, c'est assez fréquent. Il faut bien sûr avoir les moyens financiers de pouvoir faire le voyage, etc. Et puis les photos montrent à quel point le paysage est encore très bouleversé. Et d'une certaine manière, ces pèlerinages, voilà, en 1928, 10 ans après la fin de la guerre, traduisent aussi l'extrême acuité de ces deuils de guerre. C'est-à-dire l'ombre de la guerre. Oui, l'ombre portée et qui porte longtemps, longuement. Oui, et des pèlerinages d'ailleurs qui commencent, là on parle de 1928, mais ils commencent immédiatement après la fin de la guerre. Bérénice Junino, peut-être pour comprendre un peu l'imaginaire de cet enfant, on a bien entendu le rôle crucial de la famille auprès de cette petite fille pour entretenir le souvenir de ce soldat perdu, de cet oncle, de ce frère et de ce fiancé fictif. Vous avez travaillé sur la littérature pour enfants de guerre. Comment imaginer ce que pouvait être l'autre partie peut-être de l'univers guerrier de Françoise Marette, future Dolto, pendant cette guerre-là? Qu'avait-elle lu? Qu'avait-elle sous les yeux? Parce que on voit bien dans le livre de Manon Pignot et de Yann Potin à quel point elle est investie jusqu'à parfois décrire des scènes de guerre et donner même des conseils parfois à son oncle pour tuer correctement avec une baïonnette. Un petit exemple, dans une charge à la baïonnette, écrit-elle, on tue 3 soldats ou plus, on entre la baïonnette dans le corps d'un boche, on la retire avec dégoût, mais quand on la retire, on est content, on entre encore la baïonnette, et quelquefois 3 jours après, on est vainqueur et on va raconter à sa famille tout ce qu'on a fait et on lui montre la médaille. Ça, c'est Françoise Marette, française. Vous avez travaillé sur les livres de classe en particulier et les livres enfantins en Allemagne. C'est la même chose. Scolaire. Oui. C'est la même chose. Donc dans la littérature, en tout cas ce qui est spécifique de la littérature de guerre en 14-18 du côté allemand du moins, c'est effectivement la mobilisation des jeunes enfants à partir de la Première Guerre mondiale, ce qui n'était pas le cas avant. Donc une mobilisation beaucoup plus large des enfants, des jeunes enfants, donc à partir de 3 ans jusqu'à donc tout l'âge préscolaire. Vous dites c'est-à-dire mobilisation. On n'élaborait pas de discours spécifiques auprès des enfants pendant la guerre de 1870 ou les guerres précédentes. Ça n'était pas une cible de propagande. Ça, c'est vraiment effectivement une rupture, disons, fin 1914, lorsqu'on commence à produire des albums pour enfants, en Allemagne en tout cas, on commence à mobiliser les jeunes enfants. Alors que avant la Première Guerre mondiale, ce discours de guerre, ce discours patriotique, s'adressait très majoritairement à des enfants en âge d'être scolarisés. Et les formes aussi changent. Hein, les formes à la fois ne changent pas et changent. Hein. Ce qui se maintient, c'est cet imaginaire héroïque de la guerre à travers des représentations qui s'inspirent de la peinture d'histoire. Donc, du 19e siècle. Du 19e siècle, hein, dont Roland Barthes parle extrêmement bien dans Mythologie. Hein, c'est cette manière qu'ont les peintres d'histoire de mettre en scène les instantanés, donc cette mise en forme, cette rhétorique. Hein, l'élan guerrier. La majoration immobile de l'insaisissable à travers le moment de l'action, le héros, le chef de guerre héroïque sur sa monture, sur son lipizan. Donc ça, c'est un imaginaire héroïque de la guerre qui va persister après l'entrée en guerre. Donc paradoxalement, on constate que la production de livres commence véritablement au moment où on envisage une guerre longue. Pas dès août 1914, mais véritablement au moment où on envisage une guerre longue. Et paradoxalement, les représentations qui vont persister sont les représentations d'une guerre de mouvement. Alors que la guerre est déjà installée sur un front qui est immobile, ou presque. Voilà, c'est-à-dire que plus les fronts s'immobilisent, plus on mobilise, et notamment les jeunes enfants, également par des formes qui ne sont pas nouvelles en soi, mais qui font leur entrée sur le marché du livre de guerre pour enfants, qui relèvent de la caricature, d'images drôlatiques, donc l'arrivée également d'illustrateurs nouveaux, qui sont pas nouveaux en soi, mais qui vont faire leur entrée sur le marché du livre de guerre pour enfants, à savoir les caricaturistes. Donc c'est toute l'iconographie politique des revues satiriques pour adultes qui font leur entrée dans l'iconographie de guerre pour enfants. Anaïs. Oui, et vous dites bien aussi dans l'un de vos articles à quel point un motif va s'installer, c'est le motif de la bataille décisive qui contredit totalement cette très longue guerre d'attente, cette guerre de tranchées, cette guerre de va-et-vient permanent. Et ce motif, cette réitérée de la bataille décisive va être un des éléments phares du discours proposé aux enfants dans cette littérature. Effectivement, dans la représentation héroïque de cette guerre de mouvement, qui reste une guerre de mouvement, alors que la guerre n'est plus véritablement, il n'y a plus de bataille, c'est-à-dire que c'est la mort de la bataille, c'est une guerre qui correspond presque à une guerre de siège, les livres pour enfants, eux, vont continuer à véhiculer cet espoir, en fait, qui persiste aussi chez les états généraux allemands et français de l'époque, cet espoir en la bataille finale, la bataille décisive, qu'on a espéré que les Allemands ont espéré jusqu'à entre mars et le moment où ils l'ont probablement le plus espéré, c'est entre mars et août 1918, au moment où les Allemands ont presque failli gagner la guerre et puis finalement tout s'écroule début août 1918. Et là, on voit bien effectivement dans ce que dit Bérénice Zunino, qu'il y a peut-être une différence par rapport à ce que vous avez étudié vous-même, Manon Pignot, pour les jeunes enfants français qui rentrent dans la Première Guerre mondiale. Cette question d'une iconographie guerrière, etc., les Français étaient peut-être plus préparés à cette question d'aller faire la guerre, et c'est ce qu'on peut imaginer. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur les dessins d'enfants, sur la façon dont ils avaient appréhendé l'histoire. Il faut noter que Emmanuel Cronier et d'autres ont participé à un livre qui vient tout juste de sortir chez Maisonneuve et la Rose et chez Hémisphère, qui s'intitule « Écoliers en guerre 14-18 » et qui est fondé sur la collection graphique de l'école alsacienne à Paris. Et cette collection graphique, ce sont tous ces dessins qui ont été accumulés et conservés par l'école alsacienne de ces enfants de la Première Guerre mondiale, qui représentent comment on va massacrer, comme le dit d'ailleurs Françoise Letot dans cet écrit sur la baïonnette, comment on va massacrer à la baïonnette l'ennemi allemand, comment on représente caricaturalement les Uhlans et tous ceux qui sont en face, et au bout du compte, comment on dénigre l'adversaire, ce qui fait partie effectivement de la propagande de guerre, oui, Manon Pignot. Absolument. Alors, c'est vrai que il y a un point commun indéniable avec entre la situation allemande et puis la situation française et d'ailleurs la situation de la plupart des belligérants, comme l'a très bien décrit Bérénice, c'est l'immuabilité du discours de guerre pendant toute la guerre. Alors que les réceptions, les différentes manières dont les enfants vont recevoir ces discours de guerre vont varier. Comme toutes les populations, les sentiments vis-à-vis du conflit évoluent, changent, varient, s'altèrent aussi beaucoup. En revanche, du point de vue de la production du discours, et en particulier du discours qui s'adresse aux enfants, on reste sur un discours très immuable et très codifié. Le fait de mobiliser les enfants dès 1914, c'est aussi une particularité, c'est justement pas une particularité allemande, c'est aussi un point commun entre tous les pays belligérants. Il y a vraiment cette idée que les enfants, comme toutes les autres catégories des populations civiles, doivent à leur manière participer à l'effort de guerre. Et Bérénice Zunino a utilisé le terme de mobilisation des enfants, ce qui peut surprendre, mais c'est au sens propre d'une certaine façon. On les mobilise alors qu'ils ne sont pas sous les drapeaux, absolument. On les mobilise. C'est une mobilisation culturelle, c'est une mobilisation symbolique, c'est aussi une mobilisation très pragmatique, puisque au fur et à mesure que la guerre dure, on va les faire participer dans le cadre scolaire à des quêtes, par exemple dans les rues. Et Françoise Marette, future Dolto, tricote. Tricote d'ailleurs. Abondamment, alors les filles en particulier. Elle finit par s'ennuyer beaucoup avec ça. Absolument. Maintenant, on fait beaucoup tricoter les filles et même les enfants très jeunes, hein, les enfants des classes maternelles, on leur fait fabriquer de la charpie pour ensuite, à partir de toile de coton, pour ensuite faire de la gaze pour soigner les blessés. Donc, il y a une mobilisation matérielle qui, en réalité, n'est pas d'une très grande efficacité, mais qui est très réelle. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, dans la mesure où les sociétés européennes de 1914 sont encore très largement des sociétés du 19e siècle, dans la répartition des âges de la vie et de la participation des différents âges de la vie à la vie collective. Et il y a vraiment cette idée qu'on ne va pas du tout prémunir les enfants, les protéger, mais au contraire qu'on va les intégrer à l'effort de guerre. D'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, on fait la guerre pour eux, symboliquement. Alors après, sur le discours de guerre français, c'est vrai qu'il est particulièrement violent si on le compare au discours de guerre à destination des enfants britanniques ou allemands. Il y a une dimension de violence et de violence très crue, hein, des corps qui volent en éclats et notamment germanophobes, qui s'explique aussi par l'histoire française et par la défaite de 70. Et vous dites qu'à propos de Françoise Lotteau, il y a une injonction sacrificielle, c'est-à-dire qu'effectivement cette idée, c'est quand même qu'on va faire don de sa vie pour la patrie et qu'il ne faut pas bégoter sur cette question-là. Alors plus exactement, les combattants font le don de leur vie, font le sacrifice suprême, le don du sang, et donc, à tout le moins, on doit se montrer digne de ce sacrifice. Il faut répondre à cette hauteur d'héroïsme. Et donc, essayer d'y répondre à hauteur d'enfant, en se privant, en renonçant à certains nombres de choses. Elle écrit une lettre au Père Noël, en 1916, Françoise Marette, où elle dit, cette année, je ne veux pas de cadeaux, je préfère la victoire, etc. Mais justement, il y a un petit mystère à cet endroit-là, il y a cette histoire de l'ange qui lui répond et qui lui donne un numéro de matricule d'un ange en lui disant, voilà, c'est ton interlocuteur. Cet ange-là sera ton interlocuteur. Oui, ça c'est sa mère qui lui répond, et c'est toute la mythologie de l'ange gardien qui va profondément marquer cette petite fille, à tel point que Françoise Dolto, devenue pédiatre et psychanalyste, va continuer à parler, et dans ses souvenirs, une fois qu'elle est devenue très âgée, elle continue à parler de son ange, de son bon ange qui la protège, de son ange gardien. Oui, Bérénice Zunino, cette injonction sacrificielle, vous la trouvez aussi dans ces livres donc de littérature enfantine de la Première Guerre mondiale, du côté des maisons d'édition allemande que vous avez consulté? Alors effectivement, parmi les injonctions, le caractère performatif en fait de ces livres pour enfants, on retrouve bien sûr dans le système de valeurs qui est transmis aux enfants en 14-18 et même avant en fait, hein, en partie, on retrouve bien sûr cette obligation de sacrifice, hein, de se sacrifier aussi bien sur l'autel de la patrie que de manière beaucoup plus pragmatique à l'arrière. Et je dirais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Manon, que l'évolution thématique principale peut être encore davantage dans les livres pour enfants allemands que dans les livres pour enfants français, et pour cause, c'est la représentation des problèmes au quotidien, oui. À la Vous dites qu'au début de la guerre, c'est vraiment l'héroïsme issu de la peinture d'histoire du 19e siècle qui est mis en avant, avec ces charges à cheval qui n'ont rien de la réalité de la Première Guerre mondiale, mais que à partir de 1916, eh bien, on change de registre et qu'on commence à montrer l'arrière, les difficultés de la vie matérielle, c'est cela ? Dès 1915, on commence à montrer les difficultés de l'arrière, ou plutôt à les banaliser et à essayer de ne pas les représenter souvent comme des problèmes. L'Allemagne, parmi les puissances centrales, a énormément souffert, beaucoup plus que la France. Là, je pense que c'est vraiment une différence que nous pouvons souligner, du blocus allié. Hein, les puissances centrales, donc l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, étaient touchées de plein fouet par un blocus allié, essentiellement britannique. Donc, on souffrait énormément. Pas seulement du froid, surtout dans les grandes villes comme à Paris, Simone de Beauvoir en parle très bien dans ses mémoires, on souffrait également de la faim. Hein, dès 1915, on introduit les cartes de rationnement sur le pain, sur la viande, à Berlin tout d'abord, puis ensuite dans l'ensemble du Reich. Donc on souffre énormément en Allemagne, dans le Reich allemand de l'époque, des conditions de vie à l'arrière. Et c'est bien sûr, donc ça c'est l'évolution thématique principale dans les livres pour enfants, bien que l'imaginaire héroïque persiste hein, jusqu'en 1918 et en fin de compte même au-delà, parce que la rupture véritablement c'est après 1945, on va pas aller si loin, mais effectivement cette évolution thématique principale et des difficultés matérielles qui vont, comme le soulignait Manon, avoir deux impacts. Premièrement, on va également chercher pas seulement à banaliser le quotidien à l'arrière, mais surtout à mobiliser de manière très pragmatique, matérielle, les petits Allemands à l'arrière, hein, probablement beaucoup plus qu'en France. Donc par des collectes, par des collectes, des ventes de cartes postales, donc toute forme de mobilisation matérielle. Et d'autre part, l'autre impact, la conséquence directe que ça va avoir sur la production des albums pour enfants, c'est un effondrement de la production, donc toute catégorie confondue, mais pour ce que je connais le mieux, à savoir la production d'albums pour enfants, la production s'effondre. Entre fin 1916 et avril 1918, vous avez 6 augmentations de prix. Des prix des livres. Vous dites qu'un livre passé... Jusqu'à 50% du prix d'origine. Oui, c'est ça, de 3 à 5 marques en 1914, jusqu'à 11 marques 5 en avril 18, effectivement. Et donc, ça limite évidemment la possibilité pour une économie déjà très appauvrie de permettre à des familles, par exemple, d'acheter ce type de livre pour les enfants. Et donc, on va peut-être finir par s'en passer. Vous dites qu'il y en a beaucoup moins de vendus à la fin de la guerre qu'au tout début. Anaïs Kien. Oui, Manon Pignon, il y a peut-être un changement, une transfiguration de la représentation de la guerre aussi. Alors évidemment, ce qu'on propose aux enfants, ce sont des caricatures de l'ennemi, des représentations monstrueuses, ces charges héroïques au moins au début de la guerre. Et puis il y a une nouvelle catégorie d'images proposées et aussi, qu'on retrouve aussi sur les cartes postales, c'est l'image de l'attente. L'attente de la lettre qui arrive, le facteur qui devient le représentant de la bonne nouvelle ou parfois d'une nouvelle funeste, évidemment. Mais la durée de cette guerre transforme durablement la représentation des combats eux-mêmes et du ressenti de l'arrière et des familles. Oui, d'autant plus, enfin à plus forte raison pour les enfants, parce que il y a évidemment un rapport au temps qui est différent. Et d'ailleurs, Françoise Dolto le dit très bien dans ses souvenirs, puisqu'elle dit « quand la guerre s'est terminée, je me suis demandé ce que ça pouvait être, comment ça pouvait être la vie sans la guerre ?» Puisque quasiment toute sa vie de petite fille consciente et consciente d'elle-même, c'était le temps de guerre. Donc il y a un rapport au temps qui est très différent entre les enfants et les adultes. Et cet allongement de la durée que vous décrivez très bien, cette attente infinie, alors c'est l'attente de la lettre, ensuite c'est l'attente de la permission, et puis quand la permission a lieu, c'est l'attente de la fin de la permission, l'attente angoissée que la permission se termine, etc. Donc oui, c'est bien sûr, sans doute, l'attente et l'ennui sont sans doute les deux sentiments qui dominent pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui est assez formidable, Yann Potin, et je m'adresse à l'archiviste que vous êtes, c'est de voir combien cette commémoration qu'a suivi pour nous depuis le début Anaïs Kien à la Fabrique de l'Histoire, cette commémoration a donné lieu à une production documentaire absolument exceptionnel qui va permettre à de nouvelles générations d'historiennes et d'historiens de continuer à travailler sur cette Première Guerre mondiale, puisqu'on a trouvé de nouvelles sources, on les a interrogées de nouvelles manières, et que par exemple ces grandes collectes qui donnent lieu d'ailleurs à ce livre qui vient de paraître dans la presse régionale, tous les journaux régionaux l'ont publié, c'est Clémentine Vidal-Naquet qui l'a conçu, donc un énorme livre à partir des lettres envoyées de la grande collecte. Cette grande collecte continue et on a de nouveau encore des flux de lettres, des flux de documents, des flux de photographies, de cartes postales, etc., qui arrivent dans les archives départementales ou les archives nationales. Oui, tout à fait. Je crois que là, il y a deux... C'est la conséquence de cet événement d'archives qui est la commémoration du centenaire et justement portée par la mission du centenaire que vous évoquiez à l'instant, dont l'activité dure depuis 4 ans. À mon avis, il y a deux aspects. Premièrement, c'est évidemment l'écho de cet événement d'écriture dont vous venez de parler, de la guerre 14. 5 à 6 millions de lettres par jour, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ça. De fait, matériellement, en France, hein. Sont dispersés dans les greniers, les caves, les coffres, certainement pour ces années-là, beaucoup plus de choses que pour d'autres. Et puis, il y a la cristallisation du deuil, et c'est là où on peut pas penser les archives sans la mort. Vous parliez tout à l'heure du rapport entre les vivants et les morts. La mémoire n'est rien d'autre que cette politique sociale indirecte du rapport entre les vivants et les morts. Et je pense qu'en effet, aujourd'hui, les archives peuvent en partie jouer ce rôle de transmission ou d'exfiltration du deuil, puisque d'une certaine façon, ce que les grandes collectes, et notamment celles qui encore se produisent cette année, hein, et d'ailleurs tous les auditrices et auditeurs sont invités à y participer dans les départements ou à Paris, aux Archives nationales, où ils sont accueillis 11 rue des Quatre-Fils au 40 toute la journée de ce samedi pour déposer ou donner des archives, en sachant que quand on parle d'archives, c'est très varié. Par exemple, depuis, si on fait un petit bilan, ce qui a été collecté aux Archives nationales depuis 2013-2014, en fait, sur deux sessions, c'est plus de 450 documents, souvent des carnets, des lettres. 450 Et 20 000, la plupart ont été numérisés, il y en a 20 000 en ligne, il y a une exposition en ligne d'ailleurs sur le site des Archives nationales. Il y a aussi beaucoup de plaques photographiques d'ailleurs. Beaucoup de photos, bien entendu, parce que ça semble plus facile, et puis la numérisation permet de s'en détacher sans s'en détacher. Mais pour le coup, cette masse collective, je crois que c'est une façon de refaire en quelque sorte, de partager le deuil en fait d'une certaine façon par sa monstration, son exhibition. Après, évidemment, c'est une source statistique, un échantillon pour les historiens, comme nous avons tenté de le faire à travers le petit dossier de Françoise Marette. Oui, et ce qui avait été fait, ce que vous faites d'ailleurs dans votre travail quotidien d'historienne, Manon Pignot, avec les dessins d'enfants par exemple, qui avait donné lieu d'ailleurs à un livre chez Anna Mozin l'année dernière auquel vous avez participé, qui s'intitulait « Déflagration au pluriel, dessins d'enfants et guerre d'adultes » de Zéran Girardeau. Tout cela, ce sont des nouvelles sources, pourrait-on dire, que l'on mobilise et que l'historienne que vous êtes interroge à nouveau. Exactement, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Yann Potin. C'est un peu tôt là, on n'a même pas passé le 11 novembre 2018, donc c'est un peu tôt pour tirer le bilan de ce centenaire et de ces commémorations. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est qu'effectivement, ces grandes collectes, puisqu'il y en a eu plusieurs, sont un succès mais attesté et phénoménal, et traduisent bien ce que nous, historiens, on a pu constater dans nos conférences depuis bien avant le centenaire, c'est le point auquel ce deuil est un deuil collectif et intime et personnel. Il n'y a pas une conférence où quelqu'un vient pas vous voir à la fin pour vous dire « moi, mon grand-père ». Moi, mon arrière-grand-père, parfois en se mettant à pleurer d'ailleurs. Et cette grande collecte fait ressortir des greniers, des archives incroyables. Et comme vous le disiez, nous fournissent par exemple, pour mes étudiants d'Amiens, ils vont aux archives départementales de la Somme et ils trouvent des archives qui n'existaient pas quand moi je faisais ma thèse. Anaïs Kien. Alors, sans faire de soin en arrière, peut-être puisque nous allons bientôt donner la parole à Isabelle Doré-Rivet sur cette exposition Génération 40, et pour revenir à Françoise devenue Dolto, pas tout à fait, puisque nous sommes dans 1940. Dans votre ouvrage, Manon Pignot, vous proposez aussi une petite échappée sur cette Seconde Guerre mondiale, où vous publiez un témoignage de Françoise Dolto qui raconte une recrudescence des enfants venus la consulter, enfin des parents qui viennent avec leurs enfants pour la consulter, au moment où on apprend, puisque cette guerre sera d'une nature très différente, où on apprend que les Perses sont prisonniers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts à la guerre, ils ne reviennent pas non plus victorieux, mais ils sont prisonniers, et cela, ça engage chez les enfants un jugement moral des parents, c'est-à-dire d'avoir honte de son père fait prisonnier et d'avoir honte éventuellement aussi de sa mère qui se réjouit de l'emprisonnement du père. Alors je fais très court, mais effectivement, c'est le lien, et Françoise Dolto fait merveilleusement le lien entre les deux guerres mondiales. C'est cette tautologie qui consiste à dire les enfants de 14 sont les adultes de 1940, et Françoise Dolto, qui en 1940 est jeune pédiatre, tout fraîchement diplômée à l'hôpital Trousseau, les enfants qui se remettent à faire pipi au lit, on les amène à l'hôpital, les médecins ne savent pas trop comment faire, et c'est Françoise Dolto qui intervient. Et c'est en partie parce qu'elle est une petite fille de 14, parce qu'elle a déjà connu la guerre, et aussi parce qu'elle est bien sûr déjà psychanalyste, qu'elle fait le lien entre le sens des mots et la polysémie des mots, en l'occurrence ici la polysémie du mot prison, prisonnier. Bérénice Zunino, il y a même une génération, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a imaginé, celle qui est née entre 1900 et 1910, qui en Allemagne est considérée comme une génération, la génération de la guerre. Oui, effectivement, la Kriegsjugendgeneration. Alors, pour rebondir rapidement sur ce que disait Manon, c'est pas uniquement, effectivement, en France aussi, hein, je pense à Albert Camus qui parle quand il se rend sur la tombe de son père et prend conscience qu'il est devenu l'adulte et que son père est plus jeune. Et il pense à ce sol jonché d'enfants qui avaient été les pères d'hommes grisonnants. Donc, on retrouve la même situation en France. Mais pour l'Allemagne, effectivement, il s'agit de la Kriegsjugendgeneration, donc cette génération qui a connu sa socialisation à l'arrière. Et plus particulièrement au sein de cette génération, sur ce sur quoi j'insiste aussi dans mes travaux de recherche, sur les milieux des catégories supérieures, hein, des couches supérieures de la société, notamment ce qu'on appelle en allemand la Wirtschaftsbürgertum et la Bildungsbürgertum, hein, cette bourgeoisie économique et cultivée, dont sont issus, hein, énormément de futurs dirigeants nazis, notamment un tiers des responsables à l'Office de la sécurité du Reich proviennent précisément de cette génération et de ce milieu bourgeois. Alors, vous êtes donc, Isabelle Doré-Rivet, vous êtes la responsable, directrice de ce centre de recherche sur la résistance et la déportation qui organise des expositions très régulièrement à Lyon sur les questions de la Seconde Guerre mondiale. Et là, vous organisez une exposition qui s'intitule « Génération 40 ». Donc, ça n'est pas la génération de la Première Guerre mondiale, c'est celle qui naît à l'enfance, pourrait-on dire, ou plutôt à l'adolescence, à partir de 13 ans, au tout début de la guerre de 40, qui est souvent d'ailleurs fils ou fille de ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelait dans le régime de Vichy les J3. Cette génération 40, elle a quelle particularité dans son lien à la génération de la Première Guerre mondiale ? Ce sont les enfants de cette génération-là, et c'est pour eux qu'on va rêver une paix perpétuelle qui va s'avérer évidemment un leurre à la fin des années 30. C'est sur ce lien-là qu'on a voulu réfléchir dans le cadre des commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre, en réfléchissant aussi à la notion de paix, et on s'est aussi interrogé pour savoir si ces enfants avaient été élevés dans cet idéal de paix. Et dans quelle mesure ça avait pu influer leurs engagements futurs. Et cela, justement, vous l'avez fait à partir de témoignages, donc de journaux, de jeunes adultes ou d'enfants ou d'adolescents de ces années 1940-1944. Il y a évidemment le journal de Denise Domnac, Lalique, qu'on avait reçu ici même il y a quelques années dans la Fabrique de l'Histoire, des journaux d'autres personnes qui se sont engagés d'un côté ou de l'autre, ou qui ont été attentistes pendant cette Seconde Guerre mondiale, mais qui, d'une certaine façon, permettent de rétablir l'état d'esprit de quelqu'un qui se trouve entre 13 et 17 ans ou 20 ans au moment de la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Doré-Rivet. Oui, on s'est intéressé principalement à ce qu'on appelle les J3. C'est une catégorie de rationnement, en fait. Les J3, c'est les 13-21 ans. Donc, ce qu'on pourrait appeler, nous, les adolescents, mais ce qu'on n'appelle pas forcément comme ça pendant la guerre. Et à travers, effectivement, des documents aussi intimes que des journaux. Donc, le journal de Denise Domenac, effectivement. Quelques pages de celui d'Hélène Baird aussi, étudiante parisienne morte en déportation parce qu'elle était juive. Et puis des témoignages, et ces documents extrêmement émouvants que sont les dernières lettres des jeunes gens qui sont fusillés. Le droit allemand permet de fusiller les résistants à partir de 16 ans. Donc on présente aussi un certain nombre de ces dernières lettres de fusillés, dont celle très connue de Guy Moquet, que nos collègues du musée de Champigny-sur-Marne ont bien voulu nous prêter. Mmh. Anaïs Kien. Oui, Isabelle Doré-Rivet, lorsqu'on voit cette exposition, on se rend compte que les garçons sont les premières cibles de la propagande et de la prise en main du gouvernement de Vichy. Et finalement, on ne voit apparaître les jeunes femmes et les filles que dans l'ombre de ces grandes mesures destinées essentiellement aux futurs hommes, aux futurs mâles de la société française. Ah, les filles sont aussi destinataires de mesures de Vichy. On va notamment imposer des études ménagères pour toutes les jeunes filles des 11 ou 12 ans. Mais le gouvernement de Vichy les voit bien sûr en tant que futures mères de famille. Et c'est en ce sens-là qu'on va les former. Mais garçons ou filles, la jeunesse intéresse Vichy. Parce qu'évidemment, quand on veut construire un nouveau régime et mettre en place des nouveaux principes dans une société, on va principalement s'adresser à la jeunesse. Et cette jeunesse, elle a quoi comme discours en tête vis-à-vis de cette défaite de 1940, jeunesse française en l'occurrence, vis-à-vis de cette défaite de 1940, qui leur rappelle, en tout cas dans les récits qui leur ont été faits, la Première Guerre mondiale et au contraire la victoire de 1918. Est-ce que vous avez des traces de cela dans les documents qui vous ont permis de préparer cette exposition Génération 40, Isabelle Doré-Rivet ? Oui, absolument. La défaite de 1940, pour les jeunes comme pour toutes les catégories de la population, c'est un choc effroyable. C'est aussi quelque chose qui va fracasser pas mal de parcours scolaires ou professionnels de ces jeunes qui sont parfois déplacés en France, qui vont être confrontés à des difficultés économiques dans la première partie de la guerre, qui vont souvent ne pas pouvoir poursuivre des études engagées. Et puis, il y a cette confrontation entre ce passé glorieux et puis cette réalité terrible de l'été 40. Alors, on va voir des manifestations parfois modestes. On connaît la manifestation à l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1940 à Paris. À Lyon, on va trouver trois étudiants qui vont faire la même chose au monument aux morts dédié aux victimes de 14-18, donc dans le parc de la Tête d'Or. Mais à Lyon, ils ne seront que trois, ce 11 novembre. Mais on a quand même ces premières manifestations de fierté nationale qui émergent dès l'automne 1940. Anaïs Kien. Oui, un peu plus tard, quand la résistance est établie, Isabelle Doré-Rivet, on voit aussi apparaître un élément qui m'a semblé très très émouvant. C'est le moment où certains groupes de résistance cherchent à détruire les fichiers de recensement pour empêcher de repérer les candidats au service du travail obligatoire. Et là, on voit bien aussi la nécessité d'effacer la trace des enfants pour les protéger d'une certaine façon. Oui, la nécessité d'effacer la trace, c'est d'effacer l'âge surtout. Ah oui. On va avoir aussi des garçons qui ont 21 ou 22 ans, qui se font passer pour plus jeunes. Donc c'est assez comique parce que du coup, ils vont se promener en culotte courte. Très précoce. Pour échapper effectivement à ce service du travail obligatoire qui les enverrait en Allemagne. Alors, beaucoup n'y échapperont pas, mais les réfractaires s'engageront quand même massivement dans la résistance à partir de l'été 1943. Et puis vous rappelez la phrase de Daniel Cordier qui dit que l'armée des ombres était une armée d'enfants, en l'occurrence, ce qui change par rapport à cette première guerre mondiale dont on a beaucoup parlé, effectivement, c'est l'âge de l'engagement de ceux qui vont monter au maquis, que ça soit au Vercors ou ailleurs, qui certains ont 16 ou 17 ans, et peut-être même parfois plus jeunes, certains démarrent à 15 ans dans cette résistance. Oui, absolument. Alors, les cadres de la résistance seront des adultes, hein, bien sûr. Bien sûr. Eux formeront le gros des troupes, mais seront encadrés par des hommes plus âgés. Mais néanmoins, ça veut dire qu'une partie de cette résistance est très jeune, ce qui fait qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, c'est plutôt une jeunesse qui va prendre en main le destin du pays, que ce thème de la jeunesse qui était pourtant ressassé pendant des années par Vichy va être repris en main par les cadres de la résistance nouvelle et de la France nouvelle qui sort de la Seconde Guerre mondiale, Isabelle Doré-Rivet. Oui, c'est vrai. Ce qu'on pensait voir émerger, c'était aussi la notion d'une conscience de génération. C'est pas entièrement vrai au sortir de la guerre. On pourrait penser que ce phénomène des jeunes qui s'affirment en tant que groupe dans la société émerge dès 1945 et clairement, il faut attendre les années 60 pour que ce soit vraiment une réalité. Merci Isabelle Doré-Rivet. Je rappelle que cette exposition s'intitule donc Génération 40 et qu'elle se tient à Lyon, au centre de la résistance et de la déportation de Lyon. Manon Pignot, ce pont que l'on peut faire ou qu'on en a fait dans cette émission entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un des aspects qui est important, intéressant à faire quand on travaille sur le sujet qui est le vôtre, c'est-à-dire la question des enfants pendant la Première Guerre mondiale. C'est extrêmement intéressant de faire ce pont et une comparaison entre, par exemple, la situation française dans les deux guerres, mais aussi entre les différentes situations européennes, du point de vue des enfants et du point de vue des adolescents, même si les questions sont pas du tout les mêmes. Mais ce qu'on constate, par exemple, du point de vue des enfants, c'est que il y a finalement pas de différence de nature entre les deux guerres. Il y a une différence d'ampleur. Mmh. C'est-à-dire que la plupart des expériences enfantines de la Seconde Guerre mondiale ont, d'une manière ou d'une autre, déjà été expérimentées pendant la Première Guerre mondiale, y compris l'expérience du génocide par les enfants arméniens en 1915. Et pour vous, vu de votre balcon sur l'Allemagne, donc qui est le vôtre, Bérénice Zunino, c'est important, puis c'est ce que vous avez fait tout à l'heure en nous expliquant que cette génération de la Première Guerre mondiale allait devenir les cadres pour certains du nazisme, par exemple, de faire le lien entre les deux. La Première Guerre mondiale est souvent vue du point de vue, si on pose, on s'intéresse à la culture de guerre, à un mot qu'on n'aime pas trop, à la propagande, comme un laboratoire de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que il serait difficile ici, en termes de propagande, mettre sur le même plan la Première et la Seconde Guerre mondiale en Allemagne au point de vue de l'idéologie. Et je pense aussi, la France de Vichy a également véhiculé une véritable idéologie. Donc je pense qu'en Allemagne, c'est l'effort de mobilisation sous le Troisième Reich est une autre question. Nous allons demain donc conclure cette série sur l'ombre de la guerre en nous intéressant à celui qui ne voulait pas être soldat. Il s'appelle Gérard Le Retour. Il est un des inventeurs de l'objection de conscience pendant l'entre-deux-guerres dans les années 30. Et c'est un documentaire signé Olivier Chaumel et Thomas Duterre. Un extrait de ce qu'on entendra demain dans la fabrique. Gérard Le Retour, c'est d'abord l'histoire d'un inconnu, du militant inconnu d'une certaine manière. C'est l'histoire d'un tout jeune homme qui a profondément, durablement marqué la vie politique en France durant une courte année, en 1933, à 24 ans. Et Gérard Le Retour, jeune Normand, est celui qui va véritablement importer en France, théoriser et mettre en pratique une idée, un combat, un concept, celui de l'objection de conscience, qui avant de devenir quelque chose après la Seconde Guerre mondiale, qui occupera un certain nombre de générations de militants après lui, lui, durant les années 30, propose au public français notamment cette idée nouvelle, venue d'ailleurs, déjà revendiquée ou mise en pratique par un certain nombre de gens avant lui, mais lui s'en empare et avec une crânerie formidable s'impose dans le débat politique français et au travers lui place l'objection de conscience comme le vecteur d'un mouvement social important. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 3, c'est le droit au refus de tuer, le droit à la vie en quelque sorte, dont le corollaire est ce droit au refus de tuer, qui est l'objection de conscience. Le Retour a découvert ce principe de l'objection de conscience et ça a été un peu, j'allais dire, l'ossature de sa personnalité pendant toute sa vie. Comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres pacifistes dans tous les pays du monde. Le pacifisme ne connaît pas les frontières. C'est bien pour ça qu'en 1921, à Bilthoven, s'est constitué cette internationale des résistants à la guerre par des réfractaires à la Première Guerre mondiale. Un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire sur Gérard Le Retour, le héros qui ne voulait pas être soldat. Un documentaire d'Olivier Chaumel et de Thomas Duterre. Donc, pour conclure notre série sur l'ombre de la guerre, je remercie nos invités d'aujourd'hui, Manon Pignot, Yann Potin, pour Françoise Dolto, veuve de guerre à 7 ans, chez Gallimard. On a cité le livre Écoliers en guerre, un livre collectif publié chez Maisonneuve et La Rose et Hémisphère à partir de la collection graphique des dessins d'enfants à l'école alsacienne entre 1914 et 1918. On a cité également le gros livre publié par la Mission du Centenaire à partir de la collecte d'archives qui s'appelle La Grande Collecte, La Grande Guerre des Français, que vous trouvez dans tous les kiosques, en particulier dans les régions en coordination avec la presse régionale. C'est fait par Clémentine Vidal-Naquet. On attend avec impatience la traduction, puisque vous allez la publier d'abord en allemand de votre thèse, Bérénice Zunino. Ça viendra, on l'espère, bientôt sur les livres enfantins, donc pendant la Première Guerre mondiale. Et puis l'exposition Génération 40 se tient à Lyon pendant encore plusieurs mois. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marcet. Jacques Hézubert était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.